Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les intercesseurs. Bonsoir et bienvenue. Veuillez vous asseoir et saluez-vous les uns les autres, les unes les autres. Ça va, maman? Que c'était bon arrivé, d'accord? C'est pas facile de se mettre à genoux, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée, bonne arrivée. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner une Bible. Je peux avoir une Bible. Batagne, ça va? J'ai pris quelques questions ici. Je crois qu'on va traiter ça dans la deuxième partie parce qu'il faut qu'on cible pour le pays. Vous qui êtes en train d'enregistrer, mettez vos téléphones ici et vérifiez que ce n'est pas sur son numérique. Alors, je crois que j'ai une question ici intéressante qu'on pourra examiner. S'il vous plaît, c'est quoi la loi? Et c'est quoi les œuvres de la loi? C'est une très bonne question. Si vous avez les téléphones qui sont allumés, ça, le frère Judas, c'est quoi? Tu es en train d'enregistrer? Non. Ok, donc, vérifiez que les téléphones soient donc fermés. Donc, voici une question intéressante à examiner. Nous allons l'examiner ici. C'est quoi la loi et c'est quoi les œuvres de la loi? À cette question, si nous pouvons faire ici la deuxième de temps, cette seule question, c'est donc, je vais la garder ici le moment venu. Quand le Seigneur voudra, nous allons la prendre. L'autre, bonsoir, bien-aimé, que signifie être intègre et juste? Voilà. Voilà des questions. Voici des questions qui nous concernent. C'est quoi être intègre et juste? Je crois qu'il va falloir que nous travaillions aussi dans la deuxième partie. Quand nous allons finir avec le cas du Cameroun, là, on va examiner cela. On pourra faire une semaine avec cela. Et ici, bonsoir bien-aimé, en 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 et le verset 23, il est dit: l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Le verset 23 continue en disant: la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Bon, la personne a écrit toi ici. Dans ce verset-là, c'est écrit roi. Il faut bien vérifier. C'est pas toi, c'est roi. Ma question est plus précisément sur le verset 23, partie A, dont j'ai souligné. Je ne comprends pas cette partie. Donc la personne a souligné là: la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. On va les examiner. Véritablement. Donc, ceci concerne l'église parce que c'est la marche de l'église. Alors, bonsoir et bienvenue. Vous allez bien? Quelqu'un a-t-il des préoccupations, des questions? Posez avant qu'on avance. Il est 19h. Quelqu'un a-t-il des questions? Et la Bible, merci. Une Bible, merci beaucoup. Oui. Nous concernons le jeûne à sec. Donc, dernièrement, j'ai discuté avec le frère Donald. Il ne comprenait pas que le jeûne à sec. Donc, ça, c'est ma compréhension. Si on dit le jeûne à sec, alors, si on dit de 6 heures. Tu as aussi maigri comme moi, non? Amen. Ne t'inquiète pas. C'est important, d'accord? Dans ma compréhension, c'est vrai que le jeûne, si on dit le jeûne à sec, si on dit 8, 6 heures, cela finit le 9 à 6 heures. Je ne sais pas si ma compréhension là est bonne. Tu as déjà jeûné, non? Amen. Il faut jeûner à sec, c'est comme ça. Laisse-moi suivre, jeûne de bon. Quand tu vois quelqu'un qui a jeûné, tu sais qu'il a jeûné. N'est-ce pas? À sec. Maintenant, il faut vous expliquer quelque chose. Ce soir. Si vous avez des questions, s'il y a des questions dans le Bible, vous les posez avant qu'il avance. Y a-t-il des questions? C'est pas une question tant que telle, mais c'est une préoccupation. Une fois, je voulais savoir une chose, c'est que depuis que j'ai pas la main de Dieu, puis les enseignants. Qui a demandé de démarrer la moto là-bas? La montée de montagne. Oui, vas-y. Je disais un peu que depuis que j'ai pris les enseignements, que j'ai suivi, oui. Et que je lisais les écritures, sincèrement, je ne comprenais rien. Je ne comprenais même pas où est-ce qu'on allait. Oui, dans les écritures, mais dans les enseignements. Tant dans les écritures que dans les enseignements. Oui. Je ne comprenais sincèrement rien. Mm-hmm. Mais, puisqu'il y a de nouveaux enseignements, que lorsque l'on ne comprend pas, on demande l'aide au Seigneur. Mm-hmm. Et j'ai insisté, j'ai demandé sincèrement. Mm-hmm. Et c'est tout récemment que lorsque je lis la Bible, que je commence à comprendre concrètement. Comment tu fais pour comprendre maintenant? Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, maintenant, quand tu lis, tu comprends? Effectivement, frère. Maintenant, attends, j'arrive à l'application. Tu vois, initialement, tu écoutes les enseignements, tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais dans l'enseignement, je dis, si vous ne comprenez pas, demandez au Seigneur. Tu demandes, tu as insisté. Mais surtout, un jour, tu commences à lire, tu comprends. Effectivement. Je veux que toi-même, tu m'expliques comment le Seigneur fait pour que tu puisses comprendre. En temps, on a changé le texte dans la Bible. On n'a pas changé le texte. C'est la même chose que tu lisais. C'est la même chose. Maintenant, quand tu lis, tu comprends. Oui, frère. Voilà. Quelle est ta préoccupation? Ma préoccupation, c'est si le Seigneur, c'est lui qui accorde la compréhension dans la Bible. Oui. Comment se fait-il que, quand on lit la Bible, on a l'impression que c'est pour le moment qui va être sauvé. Mm-hmm. Alors que c'est lui qui permet que tu puisses comprendre. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, frère? Deutéronome chapitre 29, ouvrez. Deutéronome chapitre 29. Ça va, mon frère? Ça va. Bon, tu as besoin de la Bible, tu t'en donnes. Oui. Ça va, non? Non, ça va. Après, on va causer, d'accord? Oui, ça va. Tu n'as pas eu du mal à arriver ici? D'accord. Bonne arrivée aussi. D'accord? C'est moi le frère Junior. C'est moi qui dérange. Je dérange. Je m'appelle fatigué. Je m'appelle fatigué. De la part de Joseline. Joseline? Qui est au Koweït. Au Koweït. Ok, bonne arrivée, d'accord. Vous avez appelé fatigué comment? C'est ça, madame c'est... qui reçoit. Ah, ok. Même me passer à l'heure, n'est-ce pas? Donc, après, vous voir, d'accord? Oui. Okay. Donc, au Koweït, c'est pas passé. Alors, j'ai dit quel livre déjà? Deutéronome, chapitre 29. Lisez-nous le verset 4, vous, mon cher. Verset 4. Mais, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, oui. Des yeux pour voir, oui. Des oreilles pour entendre. Oui. Voilà, encore, relis encore pour toi. Mais, jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, oui. Des yeux pour voir, oui. Des oreilles pour entendre. Maintenant, au chapitre 4. Ça, c'est le chapitre 29. Vous avez besoin de la Bible aussi. Mmh. Vous écoutez comme ça. Là. Quand vous écoutez comme ça, c'est bon, non? Mmh. Deutéronome chapitre 4 maintenant. On y va. Vous y êtes tout le monde. Hein? Deutéronome chapitre 4, verset 2. Allons-y. Verset 2. Mmh. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. Mmh. Et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous l'ai prescrit. Amen. Maintenant, écoute mon cher frère, le paradoxe religieux réside dans cela. Le paradoxe religieux. Le paradoxe religieux. D'un côté, on voit un Dieu qui est bon. Où on voit comment il tolère le mal. Essayez d'imaginer un peu. Si vous êtes à la maison chez vous et que vous avez des enfants, les enfants font le désordre. Vous ne pouvez pas supporter ça pour longtemps. Vous allez finir par parler. Ou mieux prendre le bâton et faire. Mais imaginez Dieu lui-même qui regarde tout ce. Pendant que nous sommes ici, il se trouve qu'il est sur la terre de l'obscurité quelque part. Entre temps, les gens, nous sommes réunis ici pour parler en son nom. Il y a des gens qui sont quelque part en train de dire on va tuer telle personne. On est que sur la liste. Lui qui là-haut, il allait les voir faire ses projets. Pas vrai? En tout cas, il y a des gens qui sont en train d'avancer doucement. D'autres sont en train de dormir et le sorcier en train de faire comme ça. Il guette si quelqu'un le regarde. Pour aller attraper juste le cou de quelqu'un, appuyer sur le lit. En tout cas, le même Dieu en train de regarder. En tout cas, il y a des gens, vous avez vu au Cameroun là-bas, au centre, comment 31 personnes sont mortes dans l'accident. Amen. Pendant que ça partait comme ça, il était en train de voir. Il voit, il dit qu'ils vont frapper ici, ils vont frapper. Pam! 31 personnes meurent, les gens pleurent. Oh, il est en train de voir. Pendant ce temps, Satan est de ce côté-là, dans un endroit, dans les lieux célestes, en train de faire une réunion que il faut que cette année-ci, on charge le Cameroun. Il y a de ces coups garçons dans le Cameroun qui dérangent. On va les frapper. Dieu est en train de voir. Je vous pose la question. Comment Dieu supporte-t-il ça? C'est pour ça qu'il parle du paradoxe religieux. J'arrive dans le cadre religieux. Alors, lorsqu'on n'a pas compris les voies de Dieu, je crois qu'une fois de plus, on parlait de compréhension de la voie de Dieu, je dis que c'est différent des voies de Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'on n'a pas compris la voie de Dieu, la façon que Dieu agit, on risque d'instituer une norme de Dieu alors que ce ne sont pas des voies de sa norme. Lorsqu'on n'a pas compris la façon dont il agit, il prend un exemple que je prends chaque fois. Notre Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 19 jusqu'au 20, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Les gens aujourd'hui expliquent ce verset plus que lui-même qui a dit. Nous sommes d'accord? Dans « Allez », il a dit « Allez ». Un pasteur prend le verset là aujourd'hui. Il dit que Jésus-Christ disait à tout le monde. Donc tout le monde peut aller. Vous regardez Jésus, vous regardez la Bible, vous regardez la personne qui est en train de parler, vous voyez qu'il y a un problème. Jésus, quand il était sur la terre, quand il allait quitter la scène, il a plusieurs disciples sur la terre. Mais il regroupe 11 personnes à qui il donne les directives qu'allait me trouver sur à telle montagne que je vais vous rencontrer. N'est-ce pas? 11. Ils sont nombreux sur la terre qui avaient cru en lui. Il ne regroupe pas un endroit pour dire maintenant que, ok, sachez que les gens périssent trop dehors. Il leur donne la mission, tout. C'est 11 personnes qui le disent dans un endroit secret. Il leur dit, allez. Et pendant qu'il dit ça, il n'y a pas une femme parmi. Mais un pasteur vient aujourd'hui dit que non. Comme Jésus a dit comme ça, c'est valable aussi pour les femmes. Donc il explique mieux que Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Je parle du paradoxe religieux. Ce paradoxe-là. Maintenant, lorsque Jésus envoie ces gens en mission, après il leur dit, le verset, Matthieu finit là-bas, mais la commission ne s'arrête pas. La commission ne s'arrête pas. Vous lisez le livre de Luc, chapitre 24, verset 49. Jésus a dit, mais restez dans la ville jusqu'à ce que le Père envoie sur vous ce que j'envoie sur vous, ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Donc, ils doivent rester jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et vous serez mes témoins. N'est-ce pas? Ça ne s'arrête pas là. Dans Actes, chapitre 1, verset 5 et suivant, les apôtres sont réunis, ils lui ont demandé, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétablis, regardez encore ça, est-ce en ces temps que tu rétablis le royaume d'Israël, l'homme veut connaître ce que Dieu veut faire, veut entrer dans son plan pour comprendre pourquoi il fait telle chose, pourquoi, il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé de sa propre auto, donc ce qu'il a fixé, c'est lui, ça dépend de lui, vous n'avez pas besoin de savoir ce que ça, si Dieu fait quelque chose sur la terre, il n'a pas besoin d'inviter un être humain là-dessus, il le fait. Et rien ne peut l'empêcher de faire, pas vrai? Amen. Les grandes lignes de ces plans sont mentionnées dans les Saintes Écritures. Et non seulement c'est mentionné et codifié en son langage. Codifié en son langage. De telle sorte que ce qu'il a dit dans les Saintes Écritures, c'est ce que nous devons comprendre. Et même, il a mis la compréhension dans son langage, serré dans son langage, au point où il doit envoyer les gens pour leur expliquer. Dans ce livre de Luc, chapitre 24, il va dire à ses disciples, remarquez très attentivement que il y a deux personnes, c'est le chapitre 24 de Luc. Si vous avez vu, vous faites comme ça, d'accord? Parce que quand ça me prend là, on va commencer à aller. Alors, dans ce Luc chapitre 24, il y a deux personnes qui fuient de Jérusalem pour aller à Emmaüs, rentrer au village. Parce qu'ils savent qu'il y a les répercussions à Jérusalem. Jésus marche au milieu d'eux subitement. Pas vrai? Amen. Il commence à marcher avec eux. Normalement, quand on rencontre quelqu'un, la bonne séance, il veut qu'on dise bonsoir. On dit bonsoir, il dit bonsoir, monsieur. Où vous allez où? Il m'a fait à Emmaüs. On peut cheminer ensemble? Oui, on chemine. Il commence à marcher. Jésus parle avec eux. Jésus de Nazareth parle avec eux. Je vous pose la question, mais ça veut dire pas que c'était Jésus? La Bible déclare parce que leurs yeux étaient voilés, oui. Empêchés de le voir. Qu'est-ce qui a empêché? Ils ont des cataractes, frère? Non. Faites attention avec Jésus. Faites attention avec lui. Il a empêché aux gens avec qui il marchait de savoir que c'était lui qui était au milieu. Faites attention. Alors il marche avec lui, il marche, il cause. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a avec vous que vous marchez, vos visages soient tristes comme ça? Les deux se tournent, ils regardent comme ça, ils disent, mais je wonder, c'est toi. Hein. Tu es le seul qui séjourne ici à Jérusalem, ne sait pas ce qui est arrivé. Il dit encore que quoi? Il dit, mais regarde, il sort d'où? Toi, tu es étranger. C'est l'auteur du scénario et des films qui s'est passé à Jérusalem qui a de leur poser la question. Il ne leur pose pas la question dans l'optique de comprendre ce qui s'est passé. Souvenez-vous, ce n'est pas à ceux deux-là qui s'adressent, c'est à vous et moi qui s'adressent. Les gens qui marchent avec lui, ce n'est pas à lui qui s'adresse. N'est-ce pas ce que vous saisissez? Les deux là, ce n'est pas à eux que Jésus adresse. Ils sont des acteurs. Ce n'est pas ici qu'on a fait le théâtre de Dieu. Amen. Ils sont des acteurs dans le film de Dieu pour nous parler de quelque chose. Quand il sera devant Pilate, Pilate va dire que ne crois-tu pas qu'il peut être crucifié aujourd'hui? Il dit que désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Pilate a vu sa frère. Non. Mais il a de cause avec qui? À quoi ça lui sert de dire à Pilate que vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et revenant sur le nuage avec la telle puissance? Pilate a vu ça. Mais nous voyons dans le chapitre 7 des Actes des Apôtres comment Étienne va voir, quand le ciel va s'ouvrir, il va voir ça, non? Premier volet. Le deuxième volet n'est pas encore accompli depuis 2300 ans. Presque 2018 ans. Le deuxième volet, venant sur le nuage avec une grande gloire. Pourtant, il vient de dire ça dans une phrase à quelqu'un qui est devant lui. Donc, ce n'est pas à lui qui s'adresse à nous. Il n'attend pas à ce que Pilate comprenne ce qu'il a en train de dire. Mais il a en train de déclarer les mystères du royaume pour nous expliquer ce qui est en train d'arriver. Alors ces deux personnes-ci d'Emmaüs, il leur parle comme ça, ce n'est pas à eux. Dieu veut nous montrer, à chaque fois il détache et déroule ces différentes façons de faire pour qu'on essaie d'appréhender sa voix, comment il marche. À un moment donné, donc, il s'assied à table. Après leur avoir expliqué, mais, ouais, il dit aux hommes dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'on dit le prophète. Remarquez bien ce bout de phrase. Le cœur est lent à comprendre. Le cœur est lent à comprendre. Le cœur est lent à comprendre. Pas l'intelligence. Le cœur est lent à comprendre tout ce qu'on dit les prophètes. Qu'est-ce que le Seigneur te dit? Toute sa vie, ce que Dieu a chanté de faire, c'est codifié dans le livre des prophètes. Codifié. Il dit, mais oh homme, dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'on dit le prophète, ne fallait-il pas que le Christ souffrit? C'est lui qui le respire maintenant. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit et qu'il entre dans sa gloire? La Bible déclare, alors commençons par la loi de Moïse. On avait dit Deutéronome tout à l'heure. Il leur expliquait ce qui le concernait dans les psaumes, dans les écritures. Et quand il a commencé à l'expliquer maintenant, quelque chose s'est passé dans leur cœur. Et c'est eux qui demandent plus tard. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans? Regarde bien, pas notre intelligence. Quand vous entendez quelqu'un dire sa tête chauffe, il faut qu'il mette ça dans le glaçon. C'est le cœur qui doit chauffer, pas la tête. Si sa tête chauffe, tu veux retenir les versets. C'est ici que ça doit couler. Alors il dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Donc pendant qu'il partait, quand il partait, il est en train d'amplifier le domaine de la vie dans le cœur. Cet petit domaine-là qui reçoit la vie de Christ et jaillit. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, ils vont se tenir à table. La Bible déclare que leurs yeux étaient empêchés. Souvenez-vous de cela, leurs yeux étaient empêchés. C'est pas qu'ils étaient aveugles, pas que c'était l'obscurité. Parce que c'est eux qui vont informer Jésus que non, la nuit tombe déjà. Parce qu'il dit que reste avec nous. La nuit tombe déjà. Nous sommes là. Voilà la nuit qui tombe la nuit. Donc il nous a pas rencontré la nuit pour qu'il dise que c'était l'obscurité qui l'empêchait de voir, de savoir qui c'est. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, la Bible déclare que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais maintenant, quand ils étaient assis à table, quand il a pris le pain, il a rompu le pain, pam, les yeux sont ouverts. Pas vrai, frère? Alors, sans vous reconnaître, c'était lui, il a fait quoi? La mission était terminée. Il a expliqué ce qu'il en est. À cet instant-là, les gens qui fuyaient les persécutions sont encore rentrés la même nuit. Parce que ceux qui disaient à Jésus que non, la nuit tombe déjà, sont rentrés à Jésus dans ce moment-là. Pas vrai? Ok. Qu'est-ce qui venait de se passer? Dans cet entretien qu'il a eu avec ces deux personnes, beaucoup de choses nous touchent par rapport à cette influence religieuse que nous avons aujourd'hui. La question que tu as posée est ce que je vais dire maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ va parler. La Bible déclare et il leur ouvrit quoi? Afin qu'ils comprissent. Les gens qui sont là. Jésus a fait une opération sur leur tête. Non. Il a fendu leur tête. Non. Il a mis ce que vous mettez dans le lit pour que quelqu'un d'autre avant qu'on l'opère. Il a mis ça. Hein? Est-ce qu'il a touché en mettant le mayanga sur eux? Non. Ils ont donné l'eau bénite pour qu'ils boivent. Ils ont donné une chaîne pour que quand tu attrapes comme ça, tu mets sur toi la compréhension biblique vient. Non. Ça s'est passé spontanément. Ça s'est passé quoi? Spontanément. Jésus est le maître de toutes circonstances. Alors, c'est présentement, alors qu'ils sont en train de parler, que le Seigneur ouvre le mécanisme avec lequel il ouvre son esprit, personne ne maîtrise. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Donc, du moment où tu as commencé à prier, tu as prié jusqu'à un moment donné, tu t'es rendu compte, tu lis, maintenant tu comprends. Quelque chose a été opéré dans ton esprit. Vous voyez cela? Quelque chose a été épaulé dans ton esprit. C'est ces choses-là que la Bible appelle le voile. Il y a un voile qui est jeté sur le cœur. Si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 3, que jusqu'à ces jours, lorsqu'on lit la loi de Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Et ce n'est qu'en Christ qui s'y ôte. Donc, c'est pas, si vous faites le scanner à l'hôpital, vous ne verrez pas le voile. Parce que c'est spirituel. Ce voile est jeté sur le cœur. Ça empêche aux gens de croire. C'est lui qui a fait pour que les juifs puissent le tuer. Quand vous lisez la Bible, c'est lui qui a envoyé Esaïe d'aller voiler les juifs. Quand il était au milieu d'eux, ils disent, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir, ils disent, mais si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Donc, ils s'attendent à ce que le Christ leur dise, écoutez, juifs, je suis le Christ que la Bible dit, hein. On dit, hein, comme ça, hein. C'est qu'avant de se tourner, il devait envoyer le caillou sur lui. C'est qu'il devait s'attendre à avoir le caillou. Enfin, le chapitre 4 de Luc, verset 16, quand il a pris le livre, il a lu seulement l'avant-goût de sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a ouvert pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer aux captifs la bonne nouvelle et pour publier une année de grâce du Seigneur. Il roule le livre, il dépose. Les gens écrivent que vous avez quelqu'un garde le cœur, il dit tente. Il te voit venir tente. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Jean regarde dans la salle comme ça que j'ai bien compris ce que le gars là dit ou bien il blague. Oui. On a dit que c'est le Messie qui doit faire. Frère, le Messie s'éteignait là en train de lire. Mais il ne pouvait pas. Quel est le problème? Ce n'est pas les Juifs qui parlent qui sont le problème, c'est Dieu lui-même qui est le problème. Parce que c'est lui-même qui les a aveuglés. Comprends cela? Lors de la. Dans, si vous lisez votre livre dans le livre de Luc, Jean chapitre 8, lorsqu'il y aura cette persécution là au point où Nicodème va commencer à discuter avec ceux des Sanhédrin, il va leur dire, est-ce que notre loi nous donne-t-il l'autorisation de condamner un homme sans l'avoir jugé? On leur dit que c'est la dernière fois que toi-même tu dis les choses comme ça. Toi, regarde, est-ce que observe, est-ce que de la Galilée sort un prophète? Vous voyez, si vous observez effectivement la Bible, quand vous lisez la Bible, vous avez comme impression justement que de la Galilée, aucun prophète ne sort. Pourtant, Jonas, fils de Mithaï, sortait de Galilée. C'était un Galiléen. Si vous lisez 2 Rois chapitre 24, verset 25, c'est un Galiléen. Vous voyez, de Gad était. Alors, lorsque quelqu'un ne connaît pas les Écritures, c'est comme ça, il va lire les Écritures, il ne va pas se dire ce qu'il a dit. Pourtant, dans les Écritures, il y a un prophète qui sort de Galilée. Ils disent, bon, normalement, comme celui-ci. Or, le prophète, dans les Écritures qui est sorti de Galilée, c'est le type même qui devait mourir comme lui. Parce que Jonas, c'est le prophète qui a été mort et ressuscité. Pas vrai? Trois jours après, le type parfait du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il faudrait dire que c'est le signe de Jonas qu'il veut vous donner. Il va aller dans la Bible regarder, mais Jonas, lui, son père, c'est qui? Il est de quelle nationalité? Il était de quelle tribu? Il devait savoir qu'il sortait de Galilée. Or, comme Jésus est appelé Galiléen, ils disent non. Observe-toi pour voir si dans les Écritures, il ne sort point des prophètes de Galilée. Mais pourtant, il y a un prophète dans la Bible qui sort de Galilée. N'est-ce pas si vous comprenez? La norme des hommes face aux voix de Dieu qui transcende notre voix et souvent prend à contre-pied nos propres voix. Parce qu'on avait là fixé une norme que non. Si le Messie doit naître, quand je vois les pharisiens qui sont ici, Gamaliel, la canée que tu connais dans l'Écriture, là, c'est qu'il va naître que chez toi. Il sort. Il ne naît pas dans aucune des personnes là-bas. Il va chercher un pauvre là-bas, loin, loin à Bethléem, c'est là-bas qu'il va naître. Loin. Au lieu de dire, de rester révélé aux gens qui sont là, les grandes personnes qui enseignent les gens, le peuple, que votre Messie est né, il va loin à l'Orient. Il va se révéler à des magiciens. Les gens qu'il a interdits dans les anciennes Écritures, c'est à eux qu'il va se révéler. Les gens viennent à Jérusalem. Où est le roi des Juifs? Les gens disent que vous êtes fous, c'est moi, votre magie vous a tourmalé. Quel roi des Juifs? Nous avons vu son étoile là-bas. Pourquoi Dieu, qui a annoncé à son peuple que son Messie vient, ne révèle pas à ces gens-là qu'il est là. Il va révéler aux gens. Vous voyez cela? Vous voyez ça? Les désillusions religieuses. Ces choses-ci, c'est grave. Donc nos normes ne sont pas ces normes à lui. Alors donc, ce qu'il t'en avait dit, c'est que lorsque Jésus a dit, allez, fais de toutes les nations des disciples, on a comme l'impression que chacun peut entrer dans la commission. La grande commission n'est pas pour tous. Si vous entrez dans la Bible avec cette appréhension, déjà, vous allez aller loin avec Dieu. Si vous entendez, ah non, les gens périssent. Vous avez entendu les pasteurs dire, non, ton Jérusalem peut être ton quartier, ta maison. Pose-lui la question, lui-même en tant que pasteur, si sa famille est sauvée, lui-même. Vous allez voir vraiment qu'en réalité, les pasteurs sont les premiers menteurs. Non, que ton Jérusalem, c'est ta famille. Qui a dit c'est ta famille? Il y a Jérusalem, le Jérusalem, comme Jésus avait dit là-bas. Ils sont allés à Jérusalem, annoncer Jésus lui-même dans sa propre maison. Est-ce qu'on croyait en lui? Non. Ses petits frères croyaient en lui? Non. Vous avez vu quelque part, il a demandé à ses petits frères que croyaient en moi? Il allait évangéliser là-bas. Ce sont ses petits frères qui l'ont chassé de la maison. Il dit, okay, tu dis que tu es fils de Dieu, va dehors. Tu connais les Juifs? Non, ils vont te traiter. Va là-bas. Pour qu'on sache, bon, si tu es fils de Dieu. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand il a appelé Abraham, il n'a pas dit à Abraham que annonce l'évangile à tes pères, transforme ton père. Ton père vit dans l'idolâtrie. Si même on ne sait pas là en enfer, sa vie entre ses mains. Dieu n'a jamais fait ça. Il a demandé quitte. Pas vrai, frère? N'est-ce pas? Voilà. Alors, la réponse de Dieu face aux délusions des êtres humains et ces mélanges-là, c'est qu'on doit laisser Dieu être Dieu quand il s'agit des âmes. Laisser Dieu faire son œuvre au travers des gens. Ce sont ces choses qui ont mis des blocages dans les vies des gens. Comme ça, vous allez voir, les pasteurs sont passés partout. Quelqu'un allait chez les témoins de Dieu, va aller ici, elle est ici. Ça a tellement embrigadé la tête au point où, à un moment donné, la personne croit qu'elle est chrétienne. Le fait que vous soyez né dans une famille chrétienne ne fait pas de vous un chrétien. Quelque chose doit se passer à l'intérieur. Si ça ne s'est pas passé à l'intérieur, connais toute la Bible du début jusqu'à la fin, tu n'es pas pourtant un chrétien. Tu es un imitateur. Vous suivez, n'est-ce pas? Prenez le canard, faites-le du déshabillement de la poule, n'importe comment, sur le canard dès le départ. La nature prouve que c'est le canard. Vous ne pouvez pas imiter. L'imitation religieuse, c'est ça. Alors, dans cette Deutéronome chapitre 29, nous avons commencé à lire au verset 4. La Bible déclare, c'est Moïse, le prophète, qui dit, il est jusqu'à ces jours. L'Éternel ne nous a pas encore donné un cœur pour comprendre. Alors je pose la question. Les êtres humains, à qui il a donné le commandement au verset chapitre 4, verset 2, il dit ces commandements-ci, observez tel qu'on vous a. Ils doivent observer comment s'ils ne comprennent pas. C'est là que je vous pose la question. N'est-ce pas, on a dit au chapitre 4, verset 2, que vous devez l'observer tel que je vous ai donné sans rien ajouter. Mais au finish, il dit, jusqu'à ces jours, l'Éternel ne vous a pas donné quoi? Et les yeux pour? Et les oreilles pour? Bon, ils doivent comprendre quoi? Le cœur est censé comprendre quoi? Le commandement. Mais voilà le commandement, on dit qu'ils doivent observer. De l'autre côté, le cœur qui est censé observer, ce n'est pas encore ouvert. Donc la loi était une pierre d'achoppement pour Israël. Éphésiens chapitre 2. Pardonnez-moi si je parle comme ça, mais c'est la vérité. Si quelqu'un te dit que tu es chrétien, non, quand je suis petit, j'étais à l'école du dimanche. Après, on est allé, j'étais chef de chorale. Ça, c'est ton problème, c'est pour ta famille. On t'a donné les bulletins de passage là-bas. On dit que tu as le bulletin, tu as les cartes de vaccination. Vous savez, j'étais quelque part, en train de prêcher un jour. Ça, c'est quand j'étais à l'université. Et puis, dans la cité, on s'intriguait comme ça. Il y a un autre qui vient. Il dit, oh, mon frère Christian, je le salue. Et puis, l'autre aussi, il est à côté. Il dit, frère Junior, je suis aussi ton frère. Il me trouve, il dit, mais quel est le problème alors? Il dit, mais tu as appelé l'autre frère, tu ne m'as pas appelé frère. Il dit, je suis chrétien. Il me dit, je vais te prouver maintenant. J'étais surpris que. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va prouver? Moi, c'est la première fois depuis ma vie que j'avais entendu cela. Il est allé à la maison, je crois qu'il y avait quelque chose, une Bible qui voulait me montrer qu'il est enfant de Dieu. Il allait sortir une carte d'identité chrétienne. C'était écrit que dans sa carte d'identité, il y avait le drapeau comme vert, rouge, jaune, blanc. On a dit que non, on a mis son nom, prénom ici. On dit, baptisez-le, communiez-le. Appartenant à l'église catholique de CC, il dit que par conséquent, nous déclarons qu'il est chrétien. Il dit, voici ma carte d'identité chrétienne, j'ai failli tomber. Il dit, non, c'est ça qui donne le droit d'être mon frère. Il dit, oui. Il dit, yes, je vais te voir ici, Dieu. Et finalement, chapitre 2, donc il avait sa carte d'identité chrétienne. Si elle avait quelque part, on demande que tu es camerounais, ils sont la carte d'identité quoi? Camerounais. Il monte. Il dit, je suis camerounais. Vous avez dit qu'il n'est pas camerounais? Ça, pour le régime camerounais. Pour la loi humaine, ça fonctionne. Mais pour entrer au ciel, si un ange se tient là-bas, il dit que tous ceux qui sont chrétiens entrent. Tu veux passer dire, oh toi, tu es chrétien, sur ta carte d'identité, ça n'a pas de fait là-bas. On ne devient pas chrétien par une carte d'identité, ni par une signature sur une liste pour quoi que ce soit, ou bien parce que le prêtre ou le pasteur t'a dit que tu es chrétien désormais. Vous devez naître de nouveau. J'ai dit quel livre? Voilà, Ephésiens chapitre 2, verset 6, papa Tani, 6 à 9, allons-y. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Stoppons d'abord là-bas. D'après ce passage, les gens que Christ Jésus a sauvés, il les a déjà ressuscités. Il va seulement prouver ça plus tard. Amen. C'est ce qui est écrit là-bas. Donc, les gens qu'il a sauvés, pas les gens qu'il va sauver, les gens qu'il a sauvés, il les a déjà ressuscités. Qu'est-ce qu'il attend maintenant? Parce que les gens me posent la question, frère Junior, Jésus-Christ a payé pour le péché, non? C'est l'un des pieds. Parce qu'on connaît le péché d'achouement. Oui, il a payé pour le péché. Pourquoi les gens continuent à pécher? Maintenant, un de ces jours, on va y revenir. Maintenant, Jésus dit ici, enfin, le Saint-Esprit dit ici que le Seigneur Jésus, le jour qu'il est mort, ressuscité, il est déjà ressuscité avec tous ceux qui seront avec lui. Donc, tout ce qu'on fait ici, c'est le spectacle. Tout ce qu'on a fait là, c'est le spectacle. Si tu n'étais pas là quand il te ressuscitait, monte, descend, crie comme tu peux crier. De toute façon, c'est pour ça qu'il a donné. Le sang peut finir dans ton corps, mais l'âme ne finit pas. Pleure. Ça ne finira pas. Il a fait le sang. Vous avez là avec quelqu'un pleurer, le sang, l'eau est finie dans ses yeux. Bon. Mais si le sang finit, un litre sur là, vous pouvez commencer à éclater. Mais vous pleurez, fatigué, vous allez pleurer, vous reposez. Quand la tête, vous prenez le parastamol, ça se calme, vous continuez à pleurer, ça va couler. Mais ceci, c'est faire état enseigné pour que tout dépend de la souveraineté de Dieu. C'est pour ça qu'il parle de comprendre sa voix. Quand vous comprenez sa voix, vous restez tranquille en tant qu'être humain. La dernière fois ici, nous avons lu dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 21, la partie B, où il est dit que car qui de lui-même peut pas s'approcher de moi. Personne ne peut retrouver Dieu. Personne. Même si vous voulez, vous ne pouvez pas nous retrouver. La preuve, il a laissé les gens. Si vous lisez à chapitre 17, l'apôtre Paul dit quoi? Quand il est venu à Athènes là-bas, il a vu les temples partout là-bas. Il dit que je vous vois à tous les gars extrêmement religieux. Vous avez encore vu cela? La confusion dans la religion. Les gens étaient religieux. Ils avaient le dieu ceci, temple, Delphes par ici, le dieu Memphis, le dieu Zeus par ici. Ils étaient religieux. Donc, ils avaient leur cœur aspiré à adorer quelque chose. Et comme ils aspiraient à adorer quelque chose, quand la personne pour qui le cœur a été fait ne s'est pas présentée, les démons se sont présentés, ils donnaient des inspirations. Ils adoraient les démons. Dans nos traditions, nos coutumes, on dit non. Avant que les évangiles ne viennent, les blancs ne viennent avec leur Bible là, nos parents servaient des dieux. L'apôtre Paul répond à ce livre d'Éphésiens chapitre 2, si vous lisez le verset 13 en général, il dit qu'avant que l'évangile ne vienne, vous servez des dieux qui n'étaient pas des dieux. D'accord? Voilà. Au chapitre 1, dans 1 Corinthiens chapitre, je ne sais pas s'il va vite là. C'est pas, ça me fait comme ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, Il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, parce que quand vous étiez dans cette ignorance-là, vous vous laissez quoi, entraîner par des idoles muettes. Vous voyez cela, quand vous étiez des païens, vous vous laissiez entraîner par des idoles muettes. Donc quand on est des païens, ce que vous faisiez là, même si c'était bon que ça, c'est un peu comme la Bible, c'était quand même Satan que vous serviez. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il dit, mais maintenant, comme vous êtes en Christ maintenant, nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc le fait que le Saint-Esprit n'était pas dans le culte idolâtrique, ça montre clairement que ce n'était pas Dieu. La présence du Saint-Esprit, Saint-Esprit vient révéler qui est le Père. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, on dit qu'avant que Christ ne vienne, tout le monde, ce n'est pas le problème africain, ce n'est pas un problème d'ordre africain. Parce que chaque fois, je suis sidéré quand les gens restent à la télévision, à la radio, ils disent des bêtises. Ils disent que non, les Africains embrassent les religions de blancs comme si c'était leur propre religion. Que non, nos pères servaient les dieux. C'est faux. C'est pas, ça n'a pas commencé avec nous. Dans Actes chapitre 17, il est question des Grecs. L'apôtre Paul a trouvé les Grecs là-bas. C'était les Grecs. Et ils avaient Apollon, Zeus, Mercure et autres là-bas. Quand il a prêché à Emmaüs, à l'Icaonie, quand il a guéri quelqu'un, les gens sont venus offrir les sacrifices, non? Que voici les dieux descendus. C'était les Africains. Non. Donc l'idolâtrie n'a pas commencé en Afrique. Parce qu'on a comme impression que maintenant ce sont les Africains seulement qui sont idolâtriques et que la parole de Dieu en train de conduire leurs coutumes. Non. Quand nous disons dans la Bible, nous voyons que c'est là-bas que ça a commencé aussi. Il y avait ça aussi là-bas. Maintenant, l'apôtre Paul a confronté leurs coutumes à la vérité. De la même façon comme leurs coutumes africaines doivent être confrontées à la vérité. Il a dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, tout ce qui s'y trouve, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il a besoin de quelque chose. Lui qui produit en nous, il nous donne le mouvement et l'être. Vous voyez cela? Il dit que je vous trouve extrêmement religieux. Gardez bien ce mot. Je vous trouve extrêmement religieux. Parce qu'en parcourant votre vie, j'ai vu l'objet de votre dévotion. J'ai vu que votre cœur a attiré à chercher l'inconnu. Celui donc que vous cherchez sans savoir, c'est lui donc que j'annonce. Vous avez entendu ça? C'est lui que j'annonce. Maintenant, après, il va donner cette révélation. Il dit que Dieu, sans tenir compte. Non, avant de dire cela, il dit que ce Dieu-là a fait que les hommes sortent d'un seul sang, qu'ils habitent sur la terre. Écoutez maintenant. Écoutez. Ayant fixé et déterminé les bornes et la durée de chacun. Vous entendez ça? Donc Dieu a déterminé que tu seras du peuple africain. Tu seras noir. C'est ce que l'apôtre peut dire. Ayant fixé et déterminé. Donc il fixe que toi, comme tu viens sur la terre, tu seras africain. Tu dois être une fille. Après, quand tu vas naître, ta maman va mourir. Tu vas naître dans une famille de prostituées. Tu me dis que pourquoi tu fuis ta maison, tu es quand même là-bas. Il dit, ayant fixé et déterminé les bornes, la durée de vie de chacun. N'est-ce pas? Et puis la Bible dit, il a laissé que tout le monde le cherche à tâtonnant, bien qu'il ne soit point l'un de chacun d'eux. Voilà où ça nous a conduit. Il nous donne des informations. Et c'est Dieu lui-même qui a laissé les gens de le chercher. Pourquoi Dieu faisait comme ça? Dieu voulait montrer aux hommes que si ce n'est pas lui qui vient vers vous, vous allez être dans la dérive. Je crois qu'on a pris l'enseignement là maintenant. C'est-à-dire que si Dieu nous laisse l'être humain sur la terre, il enlève seulement sa présence. On va voir ce qui va nous arriver. On va s'entretuer. Parce que l'homme a toujours le désir de vouloir dominer l'homme, pour montrer qu'il est comme ça. Maintenant, là il y a la présence de Dieu, là il y a l'humilité. Et on commence à regarder l'autre maintenant comme étant au-dessus de nous, pas comme étant un subalterne. Maintenant, regardez, l'apôtre Paul dit, Dieu a laissé que les gens dans ce temps-là le cherchassent en tâtonnant. Bon. Dis-moi où Dieu se trouve. C'est l'apôtre Paul qui donne l'information qu'il a laissé lui-même exprès les gens, qu'on le cherche en tâtonnant. On tâtonne comment, frère? Essaye de tâtonner, voir. Voilà, donc quand tu as tâtonné ta part, tu as tapé Zeus. L'autre a tâtonné, elle a tapé Mercure. Et ce que vous devez savoir, c'est que toutes les révélations qu'ils avaient étaient justes et exactes. Parce que Mercure existe. Apollon existe. Au chapitre 19, vous allez voir Alexandre le forgeron qui va descendre là-bas. Il va dire non. Alexandre, c'est celui qui faisait l'association des anciens catholiques réunis là. Vous connaissez, n'est-ce pas? Il faisait le temple des Maries avec Joseph, le fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit quoi? Il dit que c'est la dévotion. L'apôtre Paul a donné des enseignements comme ça d'abandonner les simulacres que nous avons fait. Cela, et il donne le renseignement que même le simulacre de la grande déesse Diane tombait au du ciel. Donc ça dit que la forme des dessins qu'il faisait était une révélation. Et il dit que ça venait du ciel. Mais comme ça descendait d'en haut, c'est que ce n'est que qui a vu d'en haut? Dieu. Par conséquent, si c'est une femme qui descend en haut, c'est Dieu. Si c'est un homme en haut, s'il a la tête de Dracula là-haut, c'est Dieu. Voilà là où ça a conduit les hommes. Vous voyez cela? Alors, l'apôtre Paul dit qu'il a voulu que les gens le cherchent en tâtonnant. Maintenant, il donne un renseignement qui est terrible. C'est là où le Seigneur se cache. Il dit que bien qu'il ne soit pas loin de chacun. Alors maintenant, je pose la question. Normalement, je suis à cette chaise-ci, ici à côté. Si mes yeux se ferment et qu'il y ait de la lumière qui éteint ici, que c'est à l'obscurité, je suis en train de chercher la chaise. Normalement, la chose la plus facile à trouver, c'est elle, pas vrai? La chaise à côté de moi, je tâtonne. Premier réflexe, je mets la main sur la chaise et puis je puisse m'asseoir. Mais maintenant, La Bible déclare que Dieu est à chacun, à côté de chacun de nous. Mais comment se fait-il que ce peuple-ci a tâtonné? Ils ont tâtonné pendant des années, personne n'a pu repérer ce Dieu-là qui était près d'eux. Alors, je pose la question, qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire près de chacun de nous? Comment s'attendait Dieu à ce qu'on le tâtonne pour le toucher? Comment on devrait savoir cette présence-là à côté d'eux? Là est la question. C'est un autre enseignement que nous devons avoir. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, dans ce livre d'Éphésiens, chapitre 2, vous en avez lu, le premier verset du chapitre 6 dit quoi? Il nous a ressuscité ensemble avec lui, il nous a fait ensemble avec lui dans les lieux célestes afin de montrer dans les temps à venir quoi? Vous voyez, c'est... Donc, il l'a déjà fait. Il va seulement prouver ça par la suite dans les temps à venir. C'est-à-dire quand il va les accomplir dans ses bien-aimés. Donc, mais vous devez savoir que pour ceux qui vont être avec Christ plus tard, ils le sont déjà. Parce que si tu me poses la question, c'est comme si quand il a vu, c'est comme si tout le monde doit être sauvé. Parce qu'on entend que les gens disent que tout le monde doit être sauvé. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous lisez la Bible, c'est fatalement la vérité. Ça choque. Ça choque, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont quitter cette terre-ci. Ils ne vont même pas savoir que la Bible n'ait jamais existé. Vous savez ça, frère. Il y a des gens qui vont quitter cette terre-ci. Vous vous souvenez, je vous ai raconté l'histoire. Quand j'étais, la dernière fois qu'on était en Europe, on partait, je ne sais pas de quel pays, je crois que c'était de la France pour la Belgique. Le monsieur qui nous transportait, on est arrivé quelque part. Il a garé. Il arrive dans, vous savez qu'on roule pour longtemps là-bas, il y a des endroits, des zones de pause. Il est entré, il dit qu'il s'en va acheter le magasin des. Comment il appelait ça? Des cannes. Les magasins des. Les magasins. Vous savez comment, frère? Le magasin des cannes. Le truc de festivité des cannes, là. C'est-à-dire qu'on fait des trucs de films. Voilà. Donc il y a le magasin de ça qui sort chaque fois. Il me dit, vous savez, je cherche toujours l'affaire. Quand je suis au volant comme ça, ma femme me regarde derrière et dit, je vais traiter le type avec le voyage. On dit qu'on ne prêche pas au blanc. Il va me sentir ici. On a au moins 4 de voyage, donc il va me sentir. Et c'est lui qui crée le champ. Quand tu donnes l'ouverture, je ne perds pas le fil. Il ne perd pas le film. Quand il a ouvert, il dit, waouh, vous lisez les voisines, le film? Il dit oui, mais pas ce style de film-là. Il dit, ah bon, lequel? C'est déjà ouvert. Il veut lui prêcher de manger le film. Le film dont l'acteur principal, c'est JC. Amen. Amen. Oui, c'est mon film là-bas, le magazine de Cannes. Quand on s'est arrêté, il allait acheter. Je lui pose la question, mais il a dit que je lui dis, depuis 1984, il ne rate aucune des éditions du magazine. J'étais renversé. Donc, depuis 1984, donc l'année où je suis né, jusqu'à là, on se trouve dans la voiture. Donc, quand je suis né, il a acheté le premier magasin. Quand j'ai marché encore, pissé dans la route, il a acheté le deuxième magasin. Quand il marche, jusqu'à ce qu'un jour que Dieu me sauve, il a entré au magasin. Quand je prêche la parole, il est là jusqu'à ce que le jour-là me rencontre. C'était la meilleure personne qui m'a rencontré ce jour-là. J'ai dit, mais vous avez déjà commencé? Il dit qu'il a toute une bibliothèque chez lui, comme ça qu'il fait. Mes frères, il dit, savez-vous que. Quand vous savez, quand les gens viennent de l'étranger, ils ont tué les gibecières comme ça, comme celui-ci, exactement comme ça. Vous savez, quand les gens viennent de l'Europe, quand vous avez ça, on dit que non, c'est le héros qui est dedans. Pour moi, c'était la Bible. Il y avait ma Bible parce que c'était passé accessible. Quand tu dis, pam, je dégaine ça comme ça, comme le pistolet. J'ai ouvert ma Bible, vous savez, ah bon, mais vous avez écrit partout. J'ai dit, oui, ça fait, si j'avais le 84, depuis 84, comme ça, j'aurais lu comme ça, même 400. Alors, j'ai dit à ce monsieur-là, imaginez bien, depuis 84, vous lisez ce roman-ci. Et il prend comme ça son argent pour aller se renseigner que. C'était tel chose, il me parle de Spiel Goldberg, quoi, qui c'était en avant-première, que c'est lui qui a le projet de Vaillant d'or. Par respect pour lui, j'écoute, parce que tu ne veux pas te mettre dehors, tu vas aller où? Je suis obligé d'écouter d'abord. Alors, je lui pose la question, imaginez que vous lisiez plutôt la Bible. Et d'abord, j'étais à New York, un de mes amis m'a donné cette Bible, j'ai oublié d'avoir Abraham, engendra, je n'y comprenais rien du tout, j'ai déposé. Donc il a ouvert, il est tombé malchanceusement sur les endroits, on dit qu'Abraham engendra Isaac engendra Jacob, Jacob engendra ceci, les 12 sont partis, il dit mais ça c'est quelle histoire. Voilà sa pierre d'achoppement. Voilà où il est tombé, le premier jour il a ouvert la Bible. Il dit mais c'est gros livre ça, qui va perdre son temps là-dedans? Frère, et en cela se trouve révélé le Fils de Dieu. En cette Bible là, qu'il a porté à les déposer là-bas, se trouve révélé le Fils de Dieu. Alors, par conséquent, on l'a vu dans les églises, quand il vit aussi, c'est pour ça que vous pouvez voir les blancs dans les églises, il croise le pied. Quand tu parles comme ça, il dit que dans sa tête, il dit celui-ci, oui, il a les gestes, ses gestes, ses techniques sont quand même bien. Donc, il voit un peu comme c'était ce qu'on appelle en anglais entertainment. Comment on peut dire ça en français? Les divertissements, voilà. Donc, quand ils vont dans les assemblées, c'est pour se divertir. Ils se mettent là, c'est pour ça que d'autres font ça, quand on donne la peau, c'est pas dehors, ils fument. Jusqu'au point où un blanc m'a dit qu'il a ses heures pour se masturber. Il est dans une assemblée, il chante, il vient, pom, pom, pom, pom, pom, quand il s'en est, il dit, attends, je viens, il court aux toilettes, il part, il se masturbe, il vient. Il dit, votre pasteur ne prêche pas cela, il dit qu'il ne veut pas heurter la sensibilité des gens. J'ai dit que au nom de Jésus, c'est que vous allez me faire rentrer de mon pays le jour là. Voilà où on en est, n'est-ce pas? Parce qu'on a pris la Bible comme n'importe quel joueur. En France, quand je partais baptiser, On est allé dans un parc là-bas, on est allé quelque part, à quelques 2 kilomètres de la maison. Pendant qu'on baptisait, il y avait le parc, c'était le jour où les gens étaient versés partout, ils étaient couchés partout, d'autres étaient sur l'eau. Ils sont entrés dans l'eau comme ça là pour baptiser. J'ai remarqué qu'il y a des blancs qui ont braqué les caméras sur moi. J'ai dit Seigneur, merci. Ce n'est que ce que j'attends. L'autre est venu se baptiser devant moi, il demande, il fait comme ça, il filme. Peut-être il va mettre dans Paris Marche ou bien dans Cana enchaîné. Que ce soit même pour enchaîné, je m'en fous. J'entre dans l'eau, je remarque qu'il y a d'autres encore en haut là-bas. Pose la question, il dit, mais qu'est-ce que tu fais dans l'eau là? Il y a tous les gens qui sont allés nager dans l'eau, ils ne voient pas, c'est seulement moi qui vais poser les questions. Il dit, ok, comme tu me demandes ce que je viens de faire dans l'eau, je vais te dire ce que je viens de faire ici. Il dit que je viens faire ce que Jésus. Je fais ce que Jésus a dit que je fasse. Il dit, ben Jésus, lui, il a marché sur l'eau. Donc au moins, lui, il a un renseignement que Jésus a marché sur l'eau. Il se rend compte que moi, je ne suis pas sur l'eau, je suis à l'intérieur de l'eau. J'ai dit, c'est pas cette partie-là, c'est pas cette partie. J'ai fait ce qu'il a dit que je fasse. J'ai pas dit que je le limite. Vous voyez cela, n'est-ce pas? J'ai dit que je suis en train de faire la partie où il a marché sur l'eau. Il dit, ok, vous voulez venir? Il dit non. Ah, c'est sorti de cette bouche. Si vous êtes homosexuel, à haute voix. Il essaie de dire que non, frère Junior, on va te chasser d'ici. Il dit non, ne vous inquiétez pas pour moi. Si vous êtes homosexuel, frère, avant qu'il ne finisse, homosexuel, lesbien, j'ai vu des gens venir avec le walkie-talk comme ça. Il dit, peut-être ils ont appelé la police. Il dit, je m'en fous. Les policiers, s'ils sont homosexuels, ça ne peut pas. Je vais prêcher ici. J'ai fait du mal. Il m'arrête, il n'y a pas de problème. Pendant que je suis dans la voiture, il dit que homosexuel, en enfer, ça va, que ça, là, ça va finir. Si on me tape, on arrive au commissariat, c'est comme ça qu'il veut toujours prêcher, jusqu'à ce que même en prison, on va prêcher là-bas. Peut-être on va délivrer quelques heures. Quand il commence à prêcher comme ça, il dit, ok. Alors, vous, non, les besoins, c'est vous repentir maintenant et je vous baptise dans l'eau. Pendant qu'il finit, chacun traçait. Ils ont disparu de la foule là-bas en haut. Il faut leur dire la vérité. Sinon, pour ça, vous allez voir, vous avez vu que la montée de ces homosexuels en Europe, ils ont fait pour voter les lois. Ils appellent ça l'homophobie. Quand vous parlez contre, on dit que tu es homophobe, on te colle des amants. On est allé jusqu'aux enfants maintenant. Au point où tu ne peux même pas taper tes propres enfants. Parce que tu tapes, on te porte plainte. Voilà la décadence. Tout ça pourquoi? À cause de ces petits livres. Regardez les scientifiques réunis sur un plateau, les satanistes réunis sur un plateau. Ils n'auront pas de cible autre que la Bible. Quand ils vont vouloir dénigrer, on dit que même les chrétiens qui disent comme ça, là-bas, on les a trompés. Le but, c'est parce que votre Bible est vraie. C'est la première des Écritures. Les statistiques de la Bible est imbattable sur la terre. La Bible, c'est la Bible la plus reproduite. C'est le livre le plus reproduit, le plus lu. Curieusement, ça bat encore le record de contestation, le plus contesté. Et pourtant, c'est ça qu'ils cherchent. Mais ça ne sert plus de record pour sauver beaucoup de gens. Là, maintenant, en sens contraire, ça sauve plutôt peu de gens. Donc, le livre le plus lu, le plus distribué, le plus contesté, sauve que plutôt peu de gens. Parce que ça a pour but de percevoir ce qui lui appartient. Alors ceux qui sont nés de Dieu sont écrits dans cette Bible-ci. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Alors ceux-là dont là sont sauvés depuis. Ils sont sauvés depuis, accomplis en lui. Il viendra seulement les chercher. Il viendra seulement les chercher. Parce que la Bible déclare que c'est ceux qui auront aimé aussi sa venue qui vont entrer dans cette expérience-là. Si tu as aimé sa venue avant de te coucher, il va venir, il va te prendre, vous allez partir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc on ne vit pas maintenant pour être sauvé en Christ Jésus. Les gens disent non, il faut que j'essaye de faire telle chose pour que Christ me sauve. Ce n'est pas pour cela. Écoutez bien, on n'essaie pas de faire du bien. S'il fait comme ça, Jésus ne va pas me sauver. S'il ne fait pas comme ça, il ne va pas me sauver. Ce n'est pas ça. Le salut ne dépend pas de ce que tu vas faire maintenant. Le salut dépend de ce que lui, il a fait depuis. C'est en cela que réside le salut. Parce que le salut ne vient pas d'un homme, ça vient de Jésus-Christ. Et comme le salut vient de lui, il l'a déjà accompli une fois pour toutes. Et c'est ce salut-là qui est annoncé aux nations. Pour dire, vous qui êtes de ses enfants, rentrez à la maison. Point final. Voilà en cela que consiste les évangiles. L'évangile, c'est la bonne nouvelle pour faire venir les gens à la maison. Quand ils viennent à la maison maintenant, ça terrorise les autres. Alors les gens vont s'attacher à cet évangile. Ils vont dire, mais si tu n'es pas de lui, tu ne peux entrer. Amen. Continuons le verset. Nous sommes au verset 7 maintenant, verset 8. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Oui. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est bon. Donc la Bible déclare encore une fois de plus pour étayer ce que tu es en train de dire. Que c'est pas. Il dit car pour justifier ce que tu es en train de dire. Ah, regardez bien. En haut, les gens qui l'ont sauvé, il les a déjà ressuscités. Ils sont assis même avec lui dans les lieux célestes. Il va montrer plus tard dans les siècles à venir l'infini grandeur de sa puissance. Après, il justifie maintenant que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et il dit, le moyen de la foi. Des fois. Et cela ne vient pas. C'est-à-dire, en résumé, comment être sauvé? Non, il faut que tu crois. Mais la Bible déclare qu'il y a un voile qui est sur le cœur. La preuve en est que tu lisais la Bible, tu ne comprenais pas. N'est-ce pas ce que tu saisissais? Comment être sauvé? Non. Si il lit la Bible, s'il croit, mais comment? Tu n'as pas la force pour croire. Parce que nul ne peut venir à Christ si le Père qui l'a envoyé ne l'a dit. Voilà le problème. Voilà où se pile le problème. Non, si elle lit, croire, ça ne veut pas dire que non, Seigneur, je crois en toi. Je mets la main sur la poitrine, je crois. Et ça commence à battre. Même si tu ne crois pas, ça bat toujours. Ce n'est pas ça notre question. Ce n'est pas en disant que Seigneur, je t'aime, je crois en toi. Ce n'est pas ça. Vous pensez que les Juifs à qui Moïse disait jusqu'au séjour, l'Éternel ne nous a pas donné un cœur pour comprendre. Quand il parlait là, il n'y a pas le cœur dans le cœur. Il n'avait pas les oreilles. Il n'avait pas les yeux. Donc pendant que Moïse parlait, il le voyait, non? Mais ce n'est pas le genre de voir si qui voulait qu'il voie. Ce n'est pas le genre de comprendre ce qu'il voulait qu'il comprenne. D'accord? Ce n'est pas le genre d'entendre là qu'il entendait. Il y a une compréhension qui amène la transformation de l'intérieur. Ça, c'est opéré uniquement par l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, on ne peut pas imiter cela. Alors si ceci n'a pas été opéré, tout ce que tu fais sur la terre, ça va finir au feu. Tout ce que tu fais. Vous voyez? C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Puis dit, cela ne vient pas de vous. Donc vous n'êtes pas la source de la foi. La foi ne naît pas en vous, de vous. La foi vient de l'extérieur. C'est un contact qui doit être créé par le divin créateur. Vous voyez ça? Et ça vient spontanément. Quand ça vient spontanément, exactement comme la plante, là, vous prenez un grain de maïs, vous mettez au sol. Vous allez demain, vous l'ouvrez. Le maïs est toujours là, maïs. Le même grain de maïs. Un moment donné, vous venez, vous voyez un petit truc vert qui est sorti. Vous posez la question. Cette feuille-ci, c'est d'air ou? Vous prenez le maïs quand c'est que vous cassez dans ça. Vous regardez, c'est la poudre. Pas vrai, frère? Je vous pose la question. La feuille verte, là, sort d'où? C'était inclus à l'intérieur. Quand il fait pouf, et la Bible déclare que le maïs ne sort pas spontanément. Il dit que quand il meurt, Dieu lui donne un corps selon son espèce. On dit Dieu lui donne un corps. Donc c'est Dieu qui donne au maïs le corps qui va sortir. Ah, vous cassez votre maïs, vous ne voyez pas le corps vert. Pas vrai, frère? Ça grandit à un moment donné, casser les tiges là, déchirer comme ça, que le maïs est caché aussi dedans. Vous ne verrez pas. Le moment va venir, quelque chose va sortir, le maïs va sortir. Où est-ce que le maïs? Ça sortait d'où? Dieu faisant toutes choses. Alors il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas le moyen de la foi. Cela ne dépend pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc, comment être sauvé? Par la grâce de... Ok, maintenant, quelqu'un sort maintenant, Dieu dit que... ceux de ma cape là-bas, on va balayer le mur de ma vélo jusqu'à là-bas. Vous allez aller là-bas pour sauver les gens parce que les gens périssent dehors. Si on ne voit pas que les gens périssent dehors, oui, les gens périssent dehors. Allez pas comme ça là. Il y a beaucoup. Jésus pleure chaque jour. C'est l'âme coule. J'ai vu Jésus comme ça. J'ai eu pitié de Jésus. Il dit que les gens sur la terre ne comprennent pas que je vous donne ma vie pour. C'est Jésus de la Bible qui pleure comme ça dans les révélations. Vous parlez de Jésus. C'est Jésus de la Bible qui pleure comme ça dans la révélation en disant qu'il ne comprend pas qu'il a donné sa vie comme ça. Et les gens sont en train d'aller en enfer. Mais frère, il a dit dans Jean chapitre 6, verset 36, que là, il est venu sur la terre pour faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est qu'il ne perde aucune de ceux qu'il a donné. N'est-ce pas, frère? Amen. Donc Dieu, avant d'aller envoyer, il a dit que voici ma volonté. Ne perde aucune des brèves. Alors quand il a achevé la mission sur la croix, il a dit que... A-t-il accompli la mission? Amen. A-t-il fait la volonté de Dieu? Amen. C'est-à-dire qu'aucune ne s'est égare. Quel est ce Jésus qui pleure aujourd'hui que ces mêmes enfants vont en enfer? Quelque chose ne va pas dans ces révélations. Quelque chose ne va pas. Parce qu'il a dit, personne ne les arracherait de mes mains. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Ainsi dit le Seigneur. Vous voyez là où on se trouve, n'est-ce pas? Donc tellement, on a tellement mélangé les choses de Dieu avec nos voix, avec nos compréhensions, au point où on veut sauver les gens, que tu dois être sauvé. Ah, en venant dimanche, pourquoi? Quand vous voyez, j'étais en train dans la voiture, puis le Saint-Esprit dit, mets la radio, je ne sais pas quelle femme prêchait. Elle dit que Néhémie avait le cœur de Dieu. Je peux imaginer comment elle fait les faits comme ça, là, elle fait, vous savez, avec les ongles des tigres là. Néhémie avait le cœur de Dieu, bien aimé. Quand, souvenez-vous, c'est une femme, c'est son mari qui a créé l'église, donc elle cherche maintenant qui est le client. Quand vous venez ici, vous voyez les chaises vides, alors que les gens périssent dehors, avez-vous le cœur de Dieu? Il a dit quoi? Elle a dit quoi, frère? Allez, achetez-les. Il faut que les chaises soient remplies. On te fait comme ça, parce que toi-même, tu te culpabilises. Tu dis, hey, vraiment, j'ai trouvé un type en voulant faire qu'il amène le type là ici. L'endroit le plus dangereux à amener les gens, c'est dans la prison des chrétiens comme ça. Laissez-les tranquilles dans le monde. Dieu va les trouver là-bas. Laissez-les tranquilles. Ils sont mieux là-bas. Ils sont mieux. Jésus connaît partout où ses brebis se trouvent. Il va aller les chercher. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous allez les remplir là-bas. Quand ils vont venir, quand ils seront nombreux, vous voyez que maintenant, on va construire. Ouvrez âgé. Vous êtes frappé par la malédiction parce que vous bâtissez, vous semez et vous moissonnez peu. Vous construisez votre maison, les maisons sont en débris. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné ma maison. On a un projet de construction de maison de l'Éternel là-bas que continuez. Si vous ne faites, tant que ce n'est pas accompli, faites pour Dieu avant que Dieu va faire pour vous. Peut-être mes malédictions là qui ne vont pas construire la maison, et commencer ma maison n'est pas finie. Peut-être à cause de cela, je veux construire la maison de Dieu. Vous voyez le mensonge qu'on peut prendre dans la Bible et tourner les gens. Et quelqu'un dit, on dit, engage-toi. Dieu a dit, si tu prends l'engagement, il va faire. Pourquoi tu ne dis pas comme ça? Quand il a pris l'engagement, pourquoi tu ne viens pas faire? Il compte sur toi. On a des problèmes. Pourquoi? Parce que ça fait, cette personne a une vision. Il veut construire une grande table dans la ville pour qu'on sache que c'est lui, pour qu'on sache que c'est lui qui est la plus grande église. Mon église. Frère, vous avez vu un apôtre dans la Bible parler de l'église comme étant sienne. Non. Mais chaque pasteur aujourd'hui dit mon église. La seule personnalité dans les Saintes Écritures qui a appelé l'église du ciel, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Je bâtirai mon église. Donc voilà les choses que les hommes ont mis sur place. Et donc les techniques, donc aller sauver les gens. Il faut sortir chaque dimanche, aller prêcher. Il faut aller chaque jour. Quand tu veux venir, trouve quelqu'un. Reste dans le taxi. Allez dans le taxi. Vous allez. Quelqu'un va vous gifler un jour, vous allez dire que vous souffrez pour Jésus. Alors que c'est pas, il ne vous a pas envoyé. Alors, voici donc la solution, la voie des solutions pour cette époque-ci. C'est fermer sa soupape. Restez tranquille. Jusqu'à ce que Dieu vous appelle à la charge qu'il vous a appelé. Si ça ne vous appelle pas, il n'a pas besoin de vous. De toute façon, si vous mourrez là maintenant, pendant que vous allez dire. Je vais sauver les âmes, je vais sauver les âmes. Les gens sont en train de mourir. Tu sais ça? Bon, les gens qui sont morts là-bas, 31 personnes là, pourquoi tu ne parles pas de prêcher l'évangile pour qu'ils donnent leur vie avant que la voiture les coule? Pourquoi? Pourquoi c'est pas plus pour le faire? Parce qu'on n'est pas Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Et laissons le faire son œuvre. D'accord? Alors, la compréhension biblique vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la tâche à ton cœur à s'ouvrir pour les Saintes Écritures lorsqu'il l'a voulu. Le Saint-Esprit remet cette grâce-là à chacun en particulier comme il le veut. D'accord, frère? Bon, pourquoi ceux qui venaient poser la question face à face à Jésus ouvraient la Bible dans la nuit? Ils lisaient, ils disaient que ce gars-ci, il ne respecte pas le sabbat. Pourquoi ils ne voyaient pas que dans Ésaïe 35, il était brûlé, que quand il sera là, le boîtier va marcher? Pourquoi ils ne voyaient pas cela? Vous voyez? Parce qu'ils cherchaient quelque chose comme d'achoppement. Et quand ils cherchent d'achoppement, ils vont trouver Jésus à l'angle, la pierre principale d'achoppement. Mais pourtant, les autres, à un autre, on dit qu'on a trouvé celui dont Moïse a parlé. Tu m'as peur. Quand il est venu là-bas, il a dit, voici un Israël en qui il n'y a point de fraude. Il dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il dit, avant que Philippe t'appelle, j'étais vu sur le figuier. Il dit, non, tu es le roi d'Israël. Pas vrai? Amen. Celui qui a dit le roi d'Israël, il n'a pas eu besoin d'écouter trop de prédications. Il a suivi ce que Jésus. Alors que Jésus passait le temps là-bas avec les gens là-bas, à concasser sa tête avec les gens qui lui créaient seulement les problèmes. Pourquoi? Parce que lui-même avait jeté le voile sur leur cœur. Ce voile-là, quand c'est jeté sur toi, oublie. Tout ce que tu vas faire. Sinon, comment vous allez voir qu'un pasteur a fréquenté? Un prêtre a fréquenté. Un prêtre, il dit bien, voici alors l'une des choses que je ne comprends pas. Vous entendez qu'un prêtre, que le prêtre a fait 12 ans de séminaire. 12 ans. Une année. Deux années. C'est 365 jours, frère. Attendez, sans compter les heures. Il s'assoit. Après, je pose la question, monsieur le prêtre, il dit oui. Tu as lu la Bible, c'est combien de fois? Dans notre cours, on fait souvent référence à ça. Vous êtes serviteur de qui? Il dit Dieu. Donc pendant 12 ans, on fait souvent référence à la Bible. C'est pour ça que Saint Paul dit dans un épître là que. Et ils se disent, nous avons 12 ans pour servir Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils lisent le plus? Saint Augustin, Platon, Ignace de Loyola. On les parle de psychanalystes freudiens. Voilà ce qu'on dit, non? Donc, quand tu parles de la raison, ils disent, tu crois que tu raisonnes un peu là-bas comme Emmanuel Kant. Parce que Emmanuel Kant, dans son discours sur la méthodologie philosophique, disait que là, il est bien versé. Mais il se porte la soutane, il dit que les serviteurs de Dieu, tu es étonné. Alors, par conséquent, la parole, si il ne craint pas sa parole, il ne craint pas la parole. Le Jérémie, quand il a vu la parole de Dieu, il craignait la parole. Parce que la parole lui créait la terreur. C'est pas ce que c'est ici. Il ne peut pas craindre la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, on a pris la parole, on a mis à la même égalité comme d'autres livres. On croit que le livre de la Bible est un peu comme le Coran, les livres de. C'est pour ça. La philosophie, donc on peut faire ça comme ça. La Bible est unique en son genre. Parce que quand tu viens là-bas, sans les bosses, tu veux têter, ça te tête, tu as les grosses bosses. C'est ce que la Bible peut faire. Quand tu viens, tu dis que je vais lui mettre le couteau plie, ça te tue. Tu vois très bien. Donc le moment arrive sur cette terre, dont le blasphème vont s'arrêter. Où les gens vont avoir peur de dire n'importe quoi de la Bible. Parce qu'en réalité, l'auteur de cette Bible-ci, il reste silencieux, mais il fait comme il veut. N'essaie pas de dire, oh Seigneur, tu ne vois pas ce qu'il y a là, il voit mieux que toi. Il a même vu des pire que toi. Imaginez un peu quand Sodome et Gomorrhe était là. Imaginez quand les femmes allaient vers les animaux. Quand les femmes couchaient avec les boucs sur la terre. Imaginez comment Dieu a pu supporter cela. Imaginez. Donc on ne peut pas sauver les gens plus que Dieu. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est à ceux-là donc qu'il envoie les prédications. Je ne sais pas si vous suivez. Il y a des gens, vous allez écouter un enseignement, vous allez dire, j'ai écouté un enseignement, c'est le gars, c'est dérange. Tu veux jeter quelque part, quelque chose, vous allez dire, waouh, voici ce que je cherchais. Voici ce que j'ai cherché. La personne écoute, il se réjouit. Toi, tu écoutes, tu dis, mais qu'est-ce qui plaît le gars, c'est là-bas. La différence, c'est tout au niveau du voile. Si ton voile est ôté, tu es bien. Si ton voile n'est pas ôté, écoute toutes les prédications que tu veux. Réunis-moi, c'est l'apôtre Paul qui vient prêcher devant toi. Tu as dit, Paul, tu es sûr que c'est vraiment toi. Peut-être tu es un fraudeur. et puis tu vas lui lancer le caillou. Parce qu'en réalité, c'est une relation intime entre vous et le Saint-Esprit. Amen. Alors, le Seigneur ouvre l'intelligence à qui il veut. Quand Jésus était sur la terre, il a dit à ses disciples, même ses propres disciples a dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Cette chose, vous devez comprendre dans ça dans la Bible et comprendre vraiment que le salut n'est pas pour tout le monde. Parce que quelqu'un qui est venu pour se sauver, il est là, il concasse la tête déjà avec les semences. Il dit le maïs, quand tu prends le maïs, il met l'autre tombe sur la terre. Pourquoi tu ne dis pas que la parole de Dieu c'est ceci? Il finit, il dit ça, les gens disent, mais de quoi est-ce qu'il a envie de parler? Il parle, après il quitte la scène, il parle. Il a dû prêcher pour que les gens soient sauvés, frère. Parce que c'est quelqu'un ici qui veut prêcher que les gens soient sauvés. Donc il finit de parler, il dit que le royaume du ciel est semblable à un trésor qu'un homme a trouvé dans un champ. Quelqu'un dit que trésor dans un champ. Pendant que tu allais réfléchir pour trésor, trésor, il a avancé dans sa explication. Après il finit, il dit que celui qui le trouve va vendre tout ce qu'il possède, vient et suivre. Que celui qui a les oreilles pour entendre, parmi les gens qui sont écoutés, les gens n'ont pas les oreilles, frère. C'est quel style d'oreille qu'il a allé chercher? Tout le monde allait. Mais les oreilles qui sont codifiées pour entendre ce langage céleste sont prédestinées. Amen. Les oreilles pour entendre ces genre de paroles célestes sont codifiées. Et c'est prédestiné. Et donc les disciples disent, vous voyez, les disciples qui comprenaient cela observent Jésus qui prêchait. Et puis ils regardent la foule, ils comprennent que la foule, c'est, sont dans les problèmes. Après, par derrière, ils accueillent Jésus, maître, oh, tu es un bon type. Pourquoi les parles-tu en bas? Vous voyez cela? Il leur a donné maintenant le mystère. À vous. Il vous a été, gardez bien le mot, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais pour ceux du dehors, vous entendez ça, frère? Les mystères du royaume, cela vous a été donné, vous. Donc celui qui se lui pose là-bas, il lui donne l'information que ça lui a été donné de comprendre. Mais pour ceux du dehors, ceux à qui il parle en parabole là-bas, il dit que tout est dit en parabole. Vous entendez cela? Ah non, aujourd'hui vous aimez les gens plus que Jésus. Non, Jésus, c'est là, il pleure. Quand il était sur la terre, il pleurait pour eux. Donc c'est maintenant qu'il est à Rome, maintenant qu'il dit ouais, il parle en enfer. Pourquoi il ne l'a pas dit là-bas quand il était sur la terre que non, je suis Jésus-Christ, soyez sauvé. Vous voyez cela, n'est. Il dit, mais pour ceux du dehors, donc il y a ceux du dehors, ceux du dedans. Ceux du dehors n'entreront pas. Ceux du dehors, du dedans ne sortiront pas. C'est ainsi dit les Saintes Écritures. D'accord? Ceux du dedans ne sortiront parce qu'il leur a été donné de demeurer. Ceux du dehors n'entreront pas parce qu'il leur a été donné de rester dehors. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 2 et suivant, il dit que, chapitre 2, verset 9, verset 8, 9, il dit qu'ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Il dit maintenant pour vous, l'honneur est pour vous qui croyez. Donc ce qui est une pierre d'achoppement pour l'autre, une pierre de victoire pour une autre catégorie. Il dit qu'ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru. Et puis il dit, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Donc ils sont nés, destinés pour être heurtés à ne pas croire. Il dit, mais pour vous, l'honneur est pour vous qui croyez. Qui croyez. C'est parce que c'est ses frères. Alors Jésus leur dit que ceux du dehors, tout leur dit en parabole. Et là, le verset ne finit pas là. Il dit qu'afin qu'en regardant, ils ne voient, en entendant, ils ne comprennent pas et qu'ils ne se convertissent pas et que leurs péchés ne soient pas. Donc Jésus dit, il dit comme ça là pour qu'ils ne viennent même pas demander pardon pour leurs péchés. Donc Jésus qui pleure aujourd'hui dans les révélations, il dit clairement, ici, parce que s'il leur dit ça clairement, les gars vont se repentir. Les péchés seront pardonnés. N'est-ce pas ce que le maître a dit, frère? Mais aujourd'hui, donc, on connaît maintenant plus que Jésus. Il faut qu'on ne pas dire pour que les gens soient sauvés. Allez prêcher en boîte là-bas. En tout cas, même dans les boîtes des nuits, où vous mettez souvent là-bas, il y a des chaînes des chrétiens là-bas que les gens meurent avec le 33. Ils boivent en regardant que, mais, vous êtes sûr, le Nigérien là, c'est un maïsien ou quoi? Ils voient comme ça, ils voient comment on a accompli le miracle de la télévision. Ils disent que non, il y a des maïsiens. Les gars, ils sont trop forts. Ils ne peuvent pas aller dans les églises. Ils m'ont déjà bouffé l'argent bien même. Ils voient ça même dans les bars. Si ça ne lui a pas été donné, on ne comprend pas ce qu'il a dit. D'accord? Laissez donc Dieu être Dieu. Laissons Dieu être Dieu. La compréhension biblique doit venir de Dieu. L'attirance de la Bible doit venir de Dieu. Pour être sauvé, ça doit venir de Dieu. Toute personne, tout autour de cette œuvre de salut, est un instrument. Toute personne est un instrument. Et donc, pas besoin de se booster, quoi que ce soit, pour dire ah, mes brebis. Vous entendez même la guerre entre les pasteurs aujourd'hui. Il appelle un fidèle. Tu es où? Tu es allé dans la famille de tel. Là où tu t'avais interdit de partir là, tu es ma brebis. Tu es sa brebis. Pose la question. Tu es mort sur la croix pour moi? Si on t'attrape, c'est le moment où on dit à la maison, comment t'es chicoté maintenant que tu ne mets plus le pied? Tu dis, pasteur, viens prendre les cours sur moi. Il a dit, mon ami, chacun a son propre fardeau. Pas vrai? Mais la personne qui est morte pour vous, c'est le Seigneur Jésus. Vous lui appartenez en tant que victime expiatoire, en tant qu'offrande qu'il doit présenter au Père. Pas vrai? Comme trophée pour sa mission céleste, terrestre. Me suivez, n'est-ce pas? Vous n'appartenez point à aucune personne sur la terre en dehors du Seigneur Jésus. si vous a appelé. Des questions? Merci pour cette question là, d'accord mon cher? Merci pour cette question. Alors c'est Dieu qui appelle. Si Dieu ne vous a pas appelé, tout ce que vous faites là, c'est pour ta mère, ta tante, tes petits-enfants, tes petits-fils, et pour la célébrité de ta famille. Ça ne concerne pas Dieu. C'est comme ça. Ah non, non, non, j'ai péri. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. S'il y a quelqu'un, si c'est sa volonté que tous les hommes soient sauvés, comme vous en dites dans le temps là, c'est que la première personne à ne pas accomplir cette vérité, c'est Jésus lui-même. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais souvenez-vous, 8 Timothée chapitre 2, verset 19 et 20. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Par cette parole, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il vient de dire clairement que tous ne lui appartiennent pas. Ça devait, le bon sens voudrait qu'on puisse comprendre. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de celles de Jérusalem. Celles-là. Il n'a pas dit tout le monde est mes brebis. Il faut que je les amène. Il a dit j'ai encore d'autres. Il dit pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Donc cela ne lui appartient. Et puis vous commencez à dire, Seigneur, sauve telle personne. Oh, regarde, elle est trop simple. Dans son travail, elle ne triche pas. Et puis, est-ce que Jésus a dit que c'est ceux qui entrent? Remarquez bien dans la Bible, ceux qui entrent même facilement sont les bandits. Les meurtriers, les idolâtres, les homosexuels. C'est pas vrai, frère? Oui, c'est eux. Si tu suis dans une famille, je ne fais rien. C'est un vrai serpent là-bas. Parce que le serpent glousse sans bruit. C'est un vrai serpent. Ah non, 5 heures, elle était à l'église. Et puis tu vois que tous les petits filles du quartier, c'est elle qui a enlevé les enfants. Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas par notre bonté. Ni par notre œuvre de justice qu'on est sauvé. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu seul. Si vous dites, oh, ah, j'étais dans le monde. J'ai décidé maintenant que je vais suivre Jésus. Tu as décidé, sache que le jour où tu as pris cette décision-là, c'est ta volonté, tu es dans la religion. Christ doit devoir t'appeler. Et quand il t'appelle, tu sais que ton cœur t'amène dans une direction de transformation. D'accord, mes frères? Amen. Ne me regardez pas comme ça, c'est la vérité, c'est votre Bible. Si vous ne voulez pas vous jeter ça, vous achetez même les brochures de New 2, vous lisez. C'est la Bible qui dit cela. Qu'en réalité, si celui qui a appelé cette Bible-là, qui a donné cette Bible-là, ne vous appelle pas, tout ce que vous faites là-bas tout autour, il a donné ça en plusieurs langues, non? Amen. Il empêche quelqu'un de lire. Non. C'est là-bas que Satan lit pour venir prêcher, non? Les faux pasteurs lisent là-bas pour venir prêcher, non? Demain, tu vas lire là-dedans, non? Les moments, c'est là-dedans, non? D'autres lisent, même les musulmans, quand ils veulent soutenir, ils disent que même Jésus a parlé de Mohammed. Quand tu montres maintenant un autre passage, il dit que l'autre là est trafiqué. Pas vrai? Ah, non, la Bible est la base même des hérétiques. Mais devant lui, toute bouche sera fermée. Ce jour-là, toute bouche sera fermée. C'est pour cela que n'essayez pas de faire vos actions en vous comparant les gens sur la terre. Parce que chacun va passer en jugement seul à seul. Vous ne connaissez pas. Je vous ai dit ici le cas de Noé. Observez les gens de la Bible, les appelés de la Bible. Vous prenez Noé. Vous dites, voici quelqu'un à qui Dieu a dit... Toutes les choses qui sont sur la terre, les vivants là, je vais les détruire. Qui a parlé à Noé? Puis Dieu dit, fais-toi une arche. Une arche dans laquelle tu vas amener. Regardez bien encore, regardez, mais écoutez très attentivement. Même les animaux qui entraient dans l'arche étaient une prédestination. Il y a combien de lions sur la terre? Deux seulement devraient entrer là-dedans, le mâle et le femelle. Donc si vous êtes 4 millions de mâles, Dieu a sélectionné le mâle qui va aller vers Noé. Je ne sais pas si vous imaginez. Même l'escargot qui est entré là-bas en faisant Nyamangolo, Nyamangolo, Nyamangolo, Nyamangolo. Papa escargot et maman escargot. Celui qui partait là, c'était l'élu. Il allait sûrement, lentement, mais sûrement. Quelqu'un dit lentement, mais sûrement. Dans la voie du salut. Voilà. La voie du salut était dans l'âge. Maintenant, la Bible ne nous explique pas que c'était au niveau de Harara que les animaux sont sortis. Parce que tous les autres animaux ne pouvaient pas être dans la même région. Donc peut-être qu'ils pouvaient prendre un en Afrique du Sud. Un autre sélectionné en pôle nord, parce qu'il y a des animaux qui ne se trouvent qu'au nord du monde, c'est-à-dire dans la partie froide. Des animaux qui ne se trouvent que dans le désert. Donc s'il y a un scorpion qui doit piquer les gens, il faut se dire, tiens, merci Seigneur pour ta grâce, tu m'as pas sauvé. Ils sont tirés comme ça là, pour arriver où? Là où il y a l'âge. Dont la destination leur a été donnée par le Saint-Esprit. Imaginez seulement ça. Regardez seulement dans la Bible, regardez le salut des animaux, vous allez voir les choses. Dans le psaume 104, la Bible déclare que même les animaux de proie dans le champ crient en demandant à lui sa nourriture. Donc quand vous voyez National Geographic, le lion fait « il veut dire « Seigneur, qu'est-ce qu'il mange aujourd'hui ?» Il dit que le roi va dans telle direction. Il parle là-bas, il voit les gars qui sont dans le bois, il dit « Merci Seigneur pour la révélation. » Après ses regards, il dit que parmi ça, quel est l'élu de ce soir? Il dit que cible celui-là qui est dans le bois, il va le montrer. Amen. Même le choix de sa nourriture est prédestiné. Après quand il mange, il s'assoit, il dit que « Seigneur, tu m'as doté de la grâce, de la peur, des lions. » Il dit « C'est toi ma royauté. » Amen. Oui, ils soupirent, ils demandent à Dieu leur... C'est ce que la Bible déclare, ils demandent à Dieu leur repas. Ils ouvrent leurs mains, ils sont rassasiés. Dieu ne fait pas ça pour frapper dans la nourriture. Il les conduit pour qu'ils mangent. Donc, quand ils sortent comme ça, c'est pour ça que vous voyez National Geographic, les animaux qui passent dans, dans l'eau. Les alligators sont là. Ils demandent à Dieu la nourriture. C'est qui? Il dit que non, l'élu vient. Donc, il y a l'élu pour manger. L'élu qu'on doit manger. C'est Dieu qui a fait cela. Alors, l'escargot fait tchou-tchou. Tchou-tchou. Tant que le dernier escargot n'entre pas, l'arche ne se ferme la prédestination. Donc, parmi tous les escargots sur la terre, Dieu a choisi deux qui doivent entrer. Et ce n'est que les deux là qui doivent entrer. Quand ils entrent, Dieu s'en fout. Wow, wow, wow, il y a tellement d'escargots. Tous les lions vont mourir. Non, ça, c'est la destruction des espèces rares en disparition. C'est toi qui as mis ça sur la terre. C'est toi qui as mis. Non. La personne qui l'a créé, il lui a dit que, il a dit que ça fait du faux. Il faut que les scientifiques là, il faut qu'ils soient délivrés. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'ils entrent dans l'âge, suivez Noé maintenant. C'est à Noé que Dieu a dit que la terre est remplie de péchés, il va bientôt détruire. Entre dans l'âge, il lui a donné les instructions. N'est-ce pas, frère? Amen. Quand il entre dans l'âge, qui a fermé la porte? Dieu. Donc, il a dit à l'homme de faire ce que tu as fait. Quand il finit de faire, c'est Dieu qui ferme la porte. Ça veut dire que même si tu as pitié, tu ne pas la fermer. Il dit que, wow, voilà mon beau fils qui parle, attends, je vais la porte, tu as. Tu n'as plus la possibilité de fermer. Vous voyez cela? On dit Dieu ferme la porte sur lui. Donc, quand Dieu ferme la porte, ça ne veut même pas la fermer. Vous voyez quelqu'un qui est un beau fils, qui est un beau frère. Mais souvenez-vous, ses filles étaient fiancées à des garçons, pas vrai? Amen. On a venu leur dire, entrer dans l'âge, dis mais tu te blagues, depuis que tu es non. On a fait la science à l'école, toi-même, avec ton bac là, tu as entendu que l'eau est sortie en haut, et tu as dit non. Mais Dieu a dit, il est fou le camp de l'histoire de Dieu là. Dieu est abstrait, la science est pâle, pâle. Il n'y a pas de l'eau là-bas en haut, l'eau quitte en bas. Alors la science, Dieu devait renverser la science, l'eau maintenant devait quitter en haut. Vous me suivez, frère? Alors quand l'air a commencé à quitter en haut, on dit, hé, hey, c'est que les gens disaient sur la terre si c'était bien. C'est toi qui a craché sur moi, mais c'est pas lui qui a craché, ça sort d'en haut. Quand ça a commencé, quand la première pluie a commencé, quand l'orage a réuni et que Dieu a soufflé à l'Orient, quand ça a commencé à faire le tour, ils ont dit, mais ça c'est quel spectacle comme ça, c'était terminé. Quand l'arche, quand Noé est entré, le compte à rebours était lancé pour la destruction. Dieu n'a pas eu pitié du fait que, ouais, les enfants de Noé, s'ils vont faire comment, parce qu'ils aimaient tellement leurs garçons, ça c'est ton problème. Ouais, si Doudou passe là-bas, il veut se noyer, il veut envoyer la main au travers de l'arche pour l'envoyer. Personne ne peut sauver personne. Personne ne peut sauver personne. Ce type-là devrait vous montrer. Maintenant, regardez Noé. Quand Noé sort maintenant, frère, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il s'enivre. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Il cultive quoi, frère? Amen. Quand il boit jusqu'à ce qu'il... Il donc, voilà quelqu'un à qui on a dit que c'est à cause du péché qu'on a dit. Vous me regardez comme ça. C'est pas ce qui est écrit là-bas dedans. Il a bu, il a sourd. C'est le péché ou bien ce n'est pas le péché. Vous avez vu Dieu l'a condamné. Mais quand il s'est tourné là-bas, il a fait comme ça. C'était un but. C'est parce qu'un de ces jours, il va venir sur ces choses. Il faut seulement qu'on ait le temps pour travailler. Alors il se tourne là, maintenant. Un de ses enfants l'a vu nu. Il se tourne. Il ne maudit pas l'enfant qu'il a vu. Il maudit une descendance dont le nom n'est même pas encore là. Qu'est-ce qui en train de se passer? Que Dieu vous bénisse. Il y a des déclarateurs, des oracles de Dieu sur la terre ordonnés par le Seigneur. Vous me suivez? Ces déclarateurs, des oracles sont envoyés pour les circonstances, pour faire cette déclaration. Quand ces déclarations sont faites, c'est destiné à des gens qui sont censés entendre ces oracles. Et quand ces oracles entrent, ça les donne l'orage sur le cœur. Quand l'orage est produit sur le cœur, la tempête éclate et puis l'aile des aigles leur est donnée pour s'envoler pour l'enlèvement. C'est ça que je suis en train de parler. Vous me suivez, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alors, salut encore quelqu'un à côté de toi, dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, recevez les salutations particulièrement des frères de la Côte d'Ivoire, de la Belgique et surtout de la Martinique. D'accord? Surtout de la Martinique. Recevez les frères de la Martinique, vous saluent. Baissons la tête et prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour ta grâce. Nous te sommes reconnaissants pour tes faveurs, pour ta parole, pour les dispositions que tu as prises pour nous depuis l'éternité, pour le choix que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour les frères, les sœurs que tu nous as donnés dans le monde. Seigneur, très souvent Satan veut entrer dans nos milieux pour nous diviser, nous créer des intentions, donner des intentions, donner des interprétations et de mauvaises choses sur le cœur. Je prie au Dieu que tu nous donnes de rejeter toutes ces choses de nos cœurs au nom de Jésus. Je prie, Père de gloire, que tu étends ta grâce sur chacun des frères, chacune des sœurs ici. Je prie au Père de gloire sur le cœur de mon frère, sur le cœur de ma sœur, pour toute personne qui ait des blessures sur le cœur, sur n'importe quoi, qui ait pensé, que ce soit de moi ou de notre frère, je prie que tu pardonnes. et que tu nous donnes de vivre d'un amour sincère et durable. Donne-nous, Père de gloire, de te servir avec bonté, fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.